Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse Le sexe comme objet de recherche, une série de Delphine Saltel réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a l'envie de parler de sexe sans tomber dans l'ornière, nos expériences ordinaires et l'envie de montrer que le sexe aussi est un objet de recherche comme un autre, y compris dans son versant pornographique. Alors pour commencer, les personnages. Une documentariste qui s'interroge, des féministes contre, d'autres pour, des acteurs qui performent, des réalisateurs à la chaîne, des universitaires qui assument, des étudiants qui décortiquent et une sexologue qui désamorce. Ensuite, le décor. Les campus américains des années 60, les universités françaises de 2018, des soupirs, des râles et des images incrustées sur la pellicule. Aujourd'hui, premier épisode, on peut éloigner les oreilles chastes du poste. Ah, allez, allez. Ah, non. Oui. Ah, oui. Attends. Laisse-moi regarder. Mets-en dans ton nez. Chers auditeurs, ceci est un programme expérimental. Nous ne sommes donc pas en mesure de diffuser le contenu de nos émissions. Le porno à bras-le-corps. À quoi servent les porn studies? Vous n'allez peut-être pas me croire, mais avant de réaliser cette émission, je n'avais jamais regardé de film porno. Enfin, si, une fois en fait, mais c'était quand j'étais au collège. J'avais à peu près 13 ans, j'étais invitée chez ma meilleure copine, Karine. On était toute seule dans sa maison, on s'ennuyait, et à un moment, ma copine est allée chercher une cassette VHS que ses parents cachaient dans leur table de nuit. C'était un scénario à base d'extraterrestres. Ça se passait dans une navette spatiale. Des petits bonhommes verts, qui parlaient un peu comme Jacques Villeray dans La soupe aux choux, avaient kidnappé une terrienne, blonde, dans mon souvenir, et ils lui faisaient subir une sorte de viol collectif. J'aurais peut-être souhaité un éveil plus doux à la connaissance visuelle des rapports génitaux hétérosexuels, mais là, c'était tellement kitsch que j'ai trouvé ça plus ridicule que véritablement dégoûtant, choquant ou excitant. Certes, j'étais gênée d'avoir vu ça. Après, j'avais du mal à regarder les parents de Karine dans les yeux, mais j'avais vraiment pas l'impression d'être traumatisée non plus. Pourtant, après cette première expérience, je n'ai plus jamais pu visionner d'autres films porno. Et les quelques fois où je suis tombée sur des images sur Internet ou à la télé, j'ai zappé. J'ai vite refermé l'onglet ou le pop-up qui venait d'apparaître sur mon écran. Je ne pouvais pas regarder ça. C'était troublant, excitant même parfois, mais vraiment trop gênant. Impossible à assumer, même toute seule en cachette. Bref, je ne regardais pas de porno et le porno ne me regardait pas. Et puis, récemment, 25 ans après cette première expérience, je suis tombée sur ce texte. La pornographie nous prend aux tripes. Toutes les réactions que l'on peut avoir, du dégoût à l'excitation, en passant par l'indignation et le titillement, ne sont que des variantes du même corps à corps intense, viscéral, avec ce que la pornographie a à dire. Et il se trouve que la pornographie a beaucoup à dire. Il faut s'y intéresser parce qu'elle n'a de cesse de parler de nous, des racines de notre culture et des recoins les plus obscurs de notre subjectivité. Il ne s'agit pas que de friction et de corps dénudés. La pornographie a de l'éloquence. Elle a du sens, elle porte des idées. Elle porte même des idées rédemptrices. Mais alors, d'où vient notre gêne? Peut-être faudra-t-il, pour trouver la réponse à cette question, creuser sous les stéréotypes angoissants de l'adolescent boutonneux, de l'exhibitionniste en imperméable et du masturbateur compulsif et asocial. Sous ces représentations empreintes de mépris qui font des consommateurs, des marginaux et des solitaires, affleure en effet la reconnaissance du fait que la pornographie n'est pas seulement l'objet d'un penchant individuel, mais aussi et surtout un élément central de notre culture. Je ne fais pas seulement référence à ses scores d'audience et à son chiffre d'affaires. J'entends par là que la pornographie est révélatrice. Elle ne révèle pas que des corps nus, transpirants, les uns contre les autres. Elle expose la culture à elle-même. On peut envisager la pornographie comme la voie royale vers la psyché culturelle, de la même manière que, selon Freud, les rêves mènent à l'inconscient. La question est donc de savoir ce que dirait la pornographie si on l'allongeait sur un divan et qu'on la laissait faire des associations libres. Ce que les histoires qu'elle nous raconterait nous montreraient comme tensions internes et conflits inconscients. C'est un texte de Laura Kipnis, une universitaire qui enseigne le cinéma à Chicago. Quand je l'ai lu, je me suis sentie visée. Je me suis demandé pourquoi, au fond, j'étais si coincée sur cette question. Pourquoi, dès que je voyais du porno, je détournais le regard en rougissant. Est-ce que j'en avais peur? Et peur de quoi? Peur d'être salie? Peur de ce qui m'excite? Peur de m'avouer que, moi, féministe, je puisse être excitée par des scènes de domination, des trucs un peu tordus, pas vraiment politiquement corrects. En fait, je n'avais jamais voulu réfléchir à tout ça. Et je n'avais jamais dépassé le stade du rejet épidermique. Est-ce qu'il était peut-être pas temps, enfin, d'essayer de comprendre ce qu'est le porno, exactement, ce qu'il a à nous dire, comme le propose Laura Kipnis. Et c'est comme ça que j'ai découvert les « porn studies ». En français, on peut dire « recherche » ou « étude pornographique », mais on le dit plutôt en anglais parce qu'à l'origine, ça vient des universités américaines. L'histoire des « porn studies » commence dans les années 80, aux États-Unis donc. Thousands of men and women, mostly women, staged a march into Times Square today under the banner Women Against Pornography. Lisa Champeau has more. They started at Columbus Circle and they marched in. Ce qu'on entend là, c'est un reportage de 1979 sur une manifestation de féministes radicales à New York. Let's kill the $4 billion industry that exploits females and female bodies, young and old. Elle s'appelle les Women Against Pornography. Elle marche, le poing levé. It has nothing to do with sex, with love, with erotica. It is violence. And in most of the cases, sur leur banderole, il y a des slogans comme porno égale haine des femmes, ou bien le porno nous fait toutes passer pour des putes. Ces féministes radicales dénoncent la pornographie comme un crime. Pour elles, c'est une incitation au viol, un vecteur de la violence contre les femmes, néfaste, dangereux. D'autant plus néfaste qu'avec l'arrivée du magnétoscope et des cassettes VHS à cette époque, le porno se répand partout, même dans les maisons. Et il est donc urgent de l'interdire, de le rendre illégal. What they do want is to change people's attitudes, cut the demand for a business they say damages a woman's emotional and physical well-being. At Bryant Park, I'm Lisa Champeau for Action News. Les porn studies, c'est une riposte contre ces féministes anti-pornographie, contre la censure qu'elles réclament. Et ce qui est intéressant, c'est que cette riposte est menée par d'autres féministes, des femmes universitaires, issues des sciences humaines, des intellectuels, qui disent « Avant de condamner le porno, de l'accuser de tous les maux, tâchons de le regarder en face. Sortons de notre panique morale, essayons de penser. » La nouveauté quand même qu'ont apporté les porn studies, ça a été que ce soit des femmes qui s'intéressent à la pornographie, alors que les études sur la pornographie, enfin la sociologie de la pornographie, c'est principalement des hommes. Donc les femmes ont commencé à regarder de la pornographie, à ne pas avoir peur de regarder de la pornographie, à pouvoir l'étudier de façon relativement distanciée, sans la condamner à l'avance, et en essayant de comprendre, y compris de comprendre des choses désagréables, hein, si vous voulez, que c'est pas bien, enfin, etc. Et c'est ça, je crois, la grande nouveauté. Elles ont réussi à suspendre le jugement moral préalable à toute réflexion un peu fondée sur l'observation. Alain Giammi est chercheur en sciences sociales à l'INSERM. Il a travaillé toute sa vie sur la sexualité et notamment sur la pornographie. Les porn studies, je crois qu'elles décident, et c'est le travail fondateur de Linda Williams, elles décident de regarder vraiment la pornographie et d'essayer de l'analyser plus ou moins objectivement. Si tant est qu'une telle chose soit possible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire abstraction de sa sensibilité personnelle, de ses émotions, de son histoire, enfin, etc. Toute la question, c'est de savoir est-ce qu'il peut y avoir une position d'objectivation de la pornographie qui suspende la question des valeurs au moins provisoirement, pour observer ce qu'on voit dans la pornographie, parce qu'il y a les deux réactions avec la pornographie, soit on a envie de vomir, soit ça excite sexuellement. Comment, dans un contexte où le sujet est sollicité émotionnellement, sexuellement, comment garder la tête froide ? Et je crois que cette posture intellectuelle, politique et scientifique, c'est celle de Linda Williams, qui essaye de tenir un discours qui ne soit pas le discours de condamnation et de la morale, d'éviter le jugement a priori. En fait, il existe une toute petite galaxie de chercheurs qui essaient d'acclimater les porn studies américaines au charme de l'université française. Marie-Anne Pavot en fait partie. Elle est une des rares professeurs de linguistique à écrire et travailler sur la pornographie. Les porn studies, bon, elles ont été inventées par une femme, hein, par Linda Williams. Hein, c'est quand même elle qui a inventé deux choses. Elle a inventé le fait que la pornographie, donc le film pornographique, hein, c'est une spécialiste de film studies, hein, donc c'est pas pour rien d'ailleurs si la pornographie a pénétré à l'université par le cinéma, hein, et pas forcément par la littérature. Linda Williams a fait deux choses. Elle a fait rentrer le film pornographique comme objet à l'université où elle a fait des cours. On était à Berkeley, hein, donc dans une université, voilà. Mais elle a surtout dit et donc fait passer l'idée que la pornographie est une culture. Ce qui était absolument inaudible avant elle. C'est un phénomène culturel. C'est une culture de masse. Donc les révisions étant faites, on va voir comment tout ce qu'on a vu au cours des 5 premières séances, par rapport aux différents outils conceptuels des cultural studies, comment ça peut être utilisé pour parler de pornographie, étudier la pornographie. Là, nous ne sommes pas à Berkeley, en Californie, mais dans un amphi de l'université Lille 3. Ça a échappé, je pense, le 25 novembre dernier. Il y avait la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, au cours de laquelle donc le président de la République, Emmanuel Macron, a tenu des propos suivants sur la pornographie. Donc je cite, « Unissant monde virtuel, stéréotypes, domination et violence, la pornographie a trouvé, grâce aux outils numériques, un droit de cité dans nos écoles. » En France, 25 ans après les premiers séminaires de Linda Williams, qui proposait à ses étudiants américains de visionner et d'étudier des films porno pour produire des textes critiques, il existe très peu d'universitaires qui, comme Florian Voros, osent introduire l'étude du porno à la faculté. Les personnels des services périscolaires doivent se former à décrypter, expliquer, prévenir, parce qu'aujourd'hui, la pornographie a franchi la porte des établissements scolaires, comme naguère, l'alcool ou la drogue. Nous ne pouvons pas d'un côté déplorer les violences faites aux femmes, et de l'autre, fermer les yeux sur l'influence que peut exercer sur les jeunes esprits un genre qui fait de la sexualité un théâtre d'humiliation et de violence faite à des femmes qui passent pour consentantes. Alors du coup, ça nous permet de rebondir par rapport à cette actualité-là, et l'idée des outils que je vais vous proposer, du coup, qui sont liés aux porn studies, c'est de décaler un peu le problème quand on réfléchit à la pornographie et au rapport de domination, de reformuler, de décaler un peu le problème, de le penser d'une autre manière que la manière à laquelle nous invite à y penser le président Macron dans son gouvernement. Je me demande ce que ça peut vouloir dire, décaler le problème, pour la cinquantaine d'étudiants assis sagement ce jour-là dans l'amphi. Ils ont 20 ans, ils sont en deuxième année de licence industrie culturelle, art et société. S'ils entendent parler de pornographie, c'est qu'ils se sont inscrits à un cours d'introduction aux études culturelles. Les cultural studies, c'est un champ des sciences humaines, d'inspiration marxiste, qui s'intéresse, qui prend au sérieux des productions culturelles d'ordinaire méprisées. De Star Trek à Britney Spears, en passant par les jeux vidéo, par exemple. Et cela concerne aussi, logiquement, la pornographie. Objet non noble, anti-académique, frappé d'anathème. Pourquoi est-ce qu'on regarderait de la pornographie, qui est considérée comme étant pas beau, enfin c'est pas une forme esthétique valorisée, mais c'est des productions culturelles. Hollywood produit 400 films par an, le porno en produit des dizaines de milliers. La dimension économique, les capitaux, les investissements en jeu sont beaucoup plus importants que toute l'industrie de Hollywood, on ne peut pas ignorer ça. Donc pourquoi ces productions qualifiées de mineures, marginales, inintéressantes, sans aucun intérêt, laides, violentes. Pourquoi ça a un tel succès ? Ça reste quand même une énigme. Pourquoi ce qui est décrié par tout le monde, c'est le principal business d'Internet ? Pourquoi c'est un produit qui attire des milliards de personnes ? Il y a des sommes quand même absolument incroyables, il y a des technologies. Minitel, Internet, la photographie, le daguerreotype, etc. Ça a toujours commencé avec des représentations sexuelles, c'est-à-dire des corps nus et des organes génitaux et éventuellement des copulations. Pourquoi ça ? Ça plaît tant aux gens. C'est-à-dire pourquoi tout le monde regarde du porno et personne ne le dit. Alors, moi, par rapport à la pornographie, je trouve que donc, le travail de recherche, faire des conférences, c'est d'abord essayer de casser la chape de stéréotypes qui pèse sur la pornographie. D'ailleurs, on dit la pornographie, mais parce que c'est plus facile. Mais moi, j'ai l'habitude de dire les pornographies. La pornographie industrielle états-unienne n'est pas du tout la même que la pornographie féministe suédoise, n'est pas du tout la même que la pornographie féministe et féminine que fait Ovidie, par exemple. Enfin, il y a des pornographies. Donc c'est d'abord de casser les stéréotypes pour essayer de sortir un objet qui soit juste un objet d'observation, de recherche, d'exploration. Il y a aussi participer quand même à rendre acceptable dans le discours de l'université des objets scandaleux. Non pas en les dénudant de leur parfum de scandale, mais en les introduisant à l'université avec le scandale. Alors je ne suis évidemment pas la première, hein, les cultural studies il y a 40 ans, 50 ans, ont toujours travaillé sur les dirty objects, hein, les objets sales. Et en France, on est académique, on est chic. On ne parle pas de choses sales, on ne parle pas de choses qui fâchent. Donc ça, c'est pas ma conception du travail. D'abord parce que le travail d'une enseignante, d'une universitaire, c'est justement de permettre aux étudiants de choisir, de leur donner toutes les cartes, de manière à ce que eux et elles se fassent leur opinion sur la pornographie, quitte à ce qu'elle soit extrêmement négative, mais au moins que cette opinion négative, ils puissent la justifier. Sérieusement, honnêtement, sincèrement. Donc bienvenue à cette sixième séance et dernière séance du TD Introduction aux études culturelles. Alors, donc on va regarder des images porno, comme je vous l'ai dit. C'est un peu inhabituel, hein, parce que voilà, de regarder ça en cours, vous allez voir que en fait, ça va être assez banal. L'idée, c'est que vous fassiez un visionnage actif des vidéos. Alors, il y en a une qui va durer 3 minutes et l'autre qui est un peu plus longue qui dure 15-20 minutes. Alors, c'est assez narratif. Il n'y a pas que des scènes de sexe dans les 15-20 minutes. La démarche de cette séance, telle que je la conçois, c'est que quand on regarde de la pornographie et que c'est outillé avec des éléments de contextualisation, d'analyse, de critique, du coup, visionner du porno et en discuter, ça peut devenir une expérience intéressante pour comprendre comment fonctionnent les rapports de pouvoir. Donc là, on va surtout réfléchir dans la lignée des séances précédentes à la question du racisme, mais pour réfléchir aux rapports de pouvoir en général. Donc, première séquence, du coup, 1984, harem de Cadino. Je vais éteindre les lumières pour celle-là, tu peux éteindre. Là, on est bien dans l'esprit des porn studies. Le porno, ça veut tout dire et rien dire. Pour en parler sérieusement, il faut définir des corpus, des catégories précises. Pour faire travailler ses élèves, Florian Voros n'a pas choisi des extraits de films porno mainstream hétérosexuels, mais une sorte de sous-catégorie, une niche, comme on dit, le porno gay post-colonial. Des films qui mettent en scène le fantasme du jeune arabe. Les élèves doivent repérer les origines coloniale de certaines figures érotiques comme les phèbes indigènes qu'on trouve chez Gide par exemple, mais aussi des fantasmes plus contemporains sur le jeune beurre de banlieue. C'est une expérience assez étrange de regarder un film porno à plusieurs dans une salle de classe. Moi, je me sens assez mal à l'aise. À un moment, je me retourne pour regarder les étudiants. Personne ne pouffe, personne ne rougit, L'ambiance est un peu plus studieuse. Ce serait un peu hypocrite de ne pas étudier la pornographie. Je trouve que c'est un truc que tout le monde a vu une fois dans sa vie. Tout le monde en consomme quasiment. Et comme en plus c'est une pratique qui du coup est plus ou moins secrète et où on a l'impression en fait de pouvoir naviguer sur ces sites-là comme on fait ça seul et à l'abri de tous, c'est pas vraiment quelque chose qui se partage. Quand une personne fait ça, elle le fait isolée et seule, quoi. Il y a cette espèce de pudeur, en fait, on voit dans les pratiques de visionnage de la pornographie, qui est qu'il va y avoir cette tendance à nier, en fait, le fait d'être excité par de la violence, en disant « Ah non, moi je suis un type bien, franchement, les violences faites aux femmes, ça m'excite pas plus que ça. » Alors qu'en réalité, ce que les études montrent, c'est que si, finalement. Ouais, du coup, ce que je trouve intéressant dans le fait d'étudier tout ça, la pornographie, c'est que ça nous renvoie un peu à nos pratiques aussi. Je pense que, bon, moi je vais dire, je vais déjà consommer de la pornographie, comme beaucoup de personnes ici, surtout les hommes, j'imagine. Mais, mais voilà, ça nous renvoie un peu à nos pratiques et à dire, quand je consomme ce genre de choses, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça veut dire? Et finalement, ça va pas forcément nous culpabiliser, mais nous faire poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce que je vois? Et ça permet de rationaliser un peu la chose, en fait. Et je trouve que c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus étudié, justement. C'est des pratiques qui sont tellement mises tabou que ça va un peu conforter les gens. Enfin, les gens ne vont jamais se poser de questions sur leurs pratiques. Et le fait de l'étudier, ça permet vraiment de prendre du recul, de mettre, et puis de se dire, bah oui, peut-être que ça c'est misogyne, ça c'est raciste, ça c'est machin, et peut-être que je devrais pas cautionner ça. Qu'est-ce que, entre guillemets, l'orientalisme gay? L'idée, c'est de les faire réfléchir aux articulations idéologiques qui se cachent derrière ces fantasmes, l'érotisation des rapports de classe, de race, ne pas être dupe de ce qui nous excite, et de comprendre à quel point le sexuel est politique. Donc là, on retrouve le concept de Stuart Hall qu'on a travaillé. C'est comme regarder n'importe quel film, et ben, il va falloir quand même essayer de... Et le fait du coup d'en parler, on peut du coup se dire, bon, comment on regarde ce film en fait, et pas simplement... Évidemment qu'il y a énormément de gens qui sont conscients que c'est une fiction, etc., mais pas tous. Il y a des gens qui peuvent aussi être très seuls devant ce genre de produits et juste voir que c'est quelque chose qu'ils peuvent avoir imaginé, ils le voient faire, et du coup, pour eux, ça peut être la réalité des rapports entre les... C'est possible, tu vois. Ouais. Tout le monde ne peut pas forcément être conscient envers ce qu'est la pornographie. Mais la pornographie, ça contribue quand même vachement à l'éducation sexuelle, en fait, de beaucoup de gens. Enfin, quand on regarde des pornographies, on découvre la sexualité, pour pas être écrément, enfin, les positions, etc., enfin, de manière très corporelle et très crue. Mais on n'a pas forcément le recul pour analyser tout ce qu'on essaie de faire ici. Enfin, étudier la pornographie, c'est pas justement de prendre cette prise de recul par rapport au rapport de domination, aux pratiques. Parce que ça crée forcément des images, des représentations que... ou dont on est toujours imprégné, parce que enfin on est devant des images comme ça très jeunes, quoi. Comme on dit, l'éducation sexuelle aujourd'hui, c'est limite le porno qui l'a fait. Parce qu'on est très peu éduqué quand même par rapport à ça à l'école. On va faire un bond, je crois, de 20 ans dans l'histoire, si ma mémoire est bonne. On va jusqu'en 2004 pour voir la suite de ce film beaucoup plus contemporaine. Vous allez voir que l'image est très différente, et on va voir cette fois-ci les 20 premières minutes du film Hammam, donc toujours de Jean-Daniel Ocanini. La pornographie, c'est de la fiction. On nous dit l'acte sexuel de la pornographie, c'est de la fiction. Mais du coup, en fait, ça n'empêche pas d'enregistrer certains rapports sociaux sous-jacents, et particulièrement, du coup, si on prend dans le cas de la pornographie hétérosexuelle, certains rapports hommes-femmes, et le fait que ce soit principalement la femme qui soit dominée. Et autant, effectivement, on va dire, ouais, bon, cette position-là, tu ne la prends pas forcément dans ta vie. Tu vois, toutes les femmes, elles ne sont pas souples comme ça. Mais que... À côté de ça, tu peux parfaitement intégrer le fait que, bah, dans tous les cas, ce sera toi qui dominera la nana. Donc, et je parle de manière ultra générale, quoi. Mais en fait, c'est ça. C'est si on intègre que l'acte, c'est de la fiction, on n'intègre pas forcément que les rapports en sont aussi parfois. Ça dépend de comment tu as été éduqué à ces images choquantes, en fait. Bouge pas, il y a un mec super mignon sur le palier. Dans les films, il y a une certaine éducation à l'image qui se fait des jeunes, en fait. Ce qu'on n'a pas avec le porno, en fait. On n'a pas l'éducation à l'image de la pornographie. Et au final, c'est ça le problème, je pense, qui se pose. Je ne sais pas si c'est à cause de leur jeune âge ou du bain médiatique, mais quand on les interroge, les étudiants de licence répercutent le discours dominant sur les méfaits possibles du porno sur les jeunes. Précisément le type de préoccupation que leur professeur les invite à déconstruire. Parce qu'au fond, le porno, c'est toujours ce qui est dangereux pour l'autre, qui ne sait pas, qui est vulnérable. Jamais pour soi-même. Mais ce que l'on ressent en revanche avec certitude, c'est à quel point cette séance de travail est pour eux une occasion inespérée de pouvoir parler, de réfléchir, de ne pas rester tout seul avec leur expérience, de dédramatiser cette pratique qui existe et qu'il serait sans doute un peu illusoire d'interdire. J'ai oublié de prendre le texte avec moi. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous pourrait nous lire le petit paragraphe que les deux auteurs consacrent à ces deux scènes ? Dans Hammam, le travail constitue l'objet privilégié du regard touristique. Le film s'ouvre sur un montage alterné entre un groupe de jeunes gays blancs s'ébattant dans une somptueuse chambre à coucher et divers ouvriers indistincts travaillant sur des échafaudages à rénover la façade de l'immeuble où se trouvent les amants. Dans la scène suivante, l'un des deux amants répond à un jeune ouvrier beurre qui avait frappé à la porte. Visiblement émoustillé par l'ouvrier, il lui demande de repasser dans la soirée. La difficulté sur la question de l'éducation sexuelle, c'est que de toute façon, on ne peut pas interdire techniquement d'empêcher les enfants et les adolescents de regarder du porno. On n'y arrivera pas. Et peut-être que la meilleure façon de diminuer, je dirais, les risques, si jamais il y avait des risques, c'est d'accompagner les enfants et les adolescents à la pornographie. Mais sauf que les adultes, la majorité des adultes, des enseignants, des parents, etc., ne sont pas prêts à dédramatiser, à mettre à distance, à rigoler, si vous voulez, de ce qu'on voit, parce que les gens ne sont pas vaccinés contre les effets de la pornographie. Alors, racontez-moi, quel est votre souci ? Depuis un an, j'ai plus d'érection en fait. Du tout. Quel âge vous avez ? 36 ans. D'accord. Vous n'en avez plus ni la nuit, ni le matin quand vous vous réveillez. Ça m'arrive des fois dans la nuit quand je vais dans les toilettes. Léger. Sur cette question des risques, voilà, des méfaits possibles de la consommation de porno chez les adolescents, je décide d'aller voir Marie Veluire, qui est médecin, sexologue à l'hôpital. Et quand vous vous masturbez ? Parce que c'est important de se masturber. Oui, elle a l'habitude d'entendre parler de porno dans ses consultations. Je prends de mou, en fait. Donc, la première chose, c'est qu'il faut avoir des choses dans la tête. Parce que si vous masturbez comme ça, sans réfléchir à rien, ça va pas le faire. Moi, je regardais... Là, dernièrement, j'avais pris un film ou deux. Alors, il faut regarder le film, mais ensuite, il faut se le repasser. Il ne faut pas se masturber devant le film. Je pense qu'il faut distinguer la consommation de porno chez l'adulte et la consommation de porno chez le jeune. La consommation de porno chez l'adulte, en règle générale, sauf pathologie psychiatrique de type addiction, c'est juste un outil pour nourrir une excitation sexuelle, principalement chez les hommes. Ça, c'est chez l'adulte. Maintenant, chez le jeune, le problème, il est effectivement un petit peu différent. D'abord parce qu'on sait que les jeunes de moins de 12-13 ans à 80% ont déjà vu une séquence pornographique, qu'en aucun cas le porno ne peut être un outil pédagogique, c'est-à-dire que c'est pas le film pornographique qui va apprendre ni à faire l'amour, ni à cultiver une relation humaine dans laquelle le sexe aura sa part. C'est-à-dire que dans le film porno, les scripts sont parfaitement stéréotypés, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Le script habituel de l'acte sexuel, enfin, ou de l'activité sexuelle en France en tout cas, c'est pas vaguement quelques préliminaires, pénétration vaginale, sodomie et j'éjacule dehors. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. La sodomie reste une activité très anecdotique dans la population française et que ce n'est en aucun cas quelque chose de systématique et obligatoire. Ce que donne à voir le porno. Donc en ça, c'est absolument pas éducatif. La deuxième chose, c'est quand on regarde comment les acteurs du porno bougent, tous les acteurs de porno, en tout cas à chaque fois que j'ai eu à faire une étude sur le sujet, j'ai un mal fou à voir des acteurs de porno qui basculent le bassin. Donc en ça, c'est pas non plus du tout pédagogique. Parce que la bascule du bassin est ce qui permet de faire diffuser l'excitation sexuelle, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, et que c'est pas quelque chose qu'on observe en règle générale dans le porno. Ceci étant, il faut dire que j'avais beaucoup de mal à aller trouver de quoi conforter mon hypothèse, parce que les plans sont tellement gros qu'en général, on voit même pas le mouvement. Mais ça, cette distinction, le fait que ça peut pas être une éducation sexuelle parce que c'est pas la vraie vie, les fameux étudiants que j'ai rencontrés, ils en sont pas dupes. Ils disent que même à 12-13 ans, on a notion que c'est pas la vraie vie. Mais c'est tout ce qu'ils trouvent. Alors là, je suis pas d'accord parce que quand j'ai été faire quelques interventions dans les lycées, ce script-là est considéré comme le script normal. C'est-à-dire que là encore, c'est toujours la même chose. Soit les jeunes sont accompagnés. Et dans ces cas-là, ils vont avoir entendu un certain nombre d'autres discours qui est que faire l'amour, ça peut être comme ci ou comme ça, que ça peut être beau, même si on rentre pas dans les détails. Mais pour un certain nombre de jeunes absolument non accompagnés, c'est la seule source de connaissance de ce qui doit se passer en sexualité et ils n'ont aucune raison de penser que c'est pas comme ça que ça doit se passer dans la vraie vie. Et quand une fille dit non, ils comprennent pas, parce que dans les films porno, elles peuvent dire non, mais ça veut dire oui. Donc, ils continuent à penser comme ça, et que d'autre part, le script fellation, pénétration vaginale, sodomie reste quelque chose qui est complètement normal pour eux, parce qu'ils n'ont jamais entendu parler d'autre chose. Et le jeune accompagné, il va utiliser le porno comme l'adulte va le faire, à savoir comme un outil d'excitation sexuelle. Mais celui qui n'est pas accompagné va considérer que c'est comme ça que ça doit être. Être accompagné, ne pas rester tout seul. D'autant qu'Internet a tout révolutionné dans le porno. La profusion, l'accessibilité des images, des sites, des pratiques, des dispositifs sans cesse renouvelés. François Perea est maître de conférences en sciences du langage et il étudie justement tous ces nouveaux terrains d'expression du porno sur Internet. Il étudie le fonctionnement des sites, des tubes, la manière de naviguer dessus, les salons de masturbation en ligne, tout un impensé ultra contemporain qu'il est urgent de décrypter. Blowjob, anal, double pénétration, spanking, dildo, facial, enema, bukkake, old, black, BDSM, exhibitionniste, gangbang, glory hole, lesbienne, sex at work, secrétaire, big butt, deep throat, pussy, ass. C'est un véritable travail minutieux et en fait pas du tout sexy, pour tout vous dire. Les gens imaginent qu'on regarde des films pornographiques et qu'on prend des notes et que tout ça est très sympa. Mais en réalité, non. On va sur des sites internet, on relève des listes de mots qui sont des menus. Ce qu'on essaie de voir, c'est les types d'univers que catégorise la pornographie. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une grande fragmentation, c'est-à-dire qu'il y a des centaines d'occurrences. Ces occurrences, elles montrent que l'objectif de l'entreprise pornographique, c'est de nous attirer par des éléments précis, quasi fétichistes, on va dire. Et donc, on va atomiser les corps. Ces catégories, elles ne parlent pas du corps de la femme. Elles parlent de la couleur de ses cheveux, de la taille de ses seins, de son poids, de l'organe que l'on va utiliser. C'est-à-dire qu'il n'y a plus véritablement de personnage complet, mais qu'il n'y a que des parties du corps. C'est un mode fétichiste d'interpellation. On le retrouve, ce mode fétichiste, à la fois dans les menus, et on va le retrouver à la fois également dans les récits qui sont les récits pornographiques. Soit dans les légendes sous les vignettes, qui sont très économes en mots, pour des raisons de taille, mais aussi pour des raisons qu'il n'y a pas de récit à faire, mais d'une manière plus générale aussi, dans l'ensemble du discours pornographique. C'est souvent d'ailleurs ce que l'on reproche à la pornographie, que l'on oppose, de manière arbitraire d'ailleurs, à l'érotisme. Dans l'érotisme, il y aurait quelque chose de super, c'est qu'il y aurait une histoire autour qui justifierait, voire qui servirait d'alibi à la pornographie. Je peux vous raconter une scène sexuelle, si autour je vous raconte qu'ils se sont rencontrés au bord d'un lac, avec un clapotis de l'eau et un sol pleureur qui donne une ombre tendre. Bon, ça fait une histoire, ça passe bien. Si je vous dis juste qu'il la retourne et qu'il la sodomise, c'est tout de suite extrêmement vulgaire, bien entendu. C'est ça le propre de la pornographie. C'est justement de ne pas s'embarrasser avec tout ce qu'il y a autour. Et c'est ce qu'on lui reproche. C'est de déshumaniser et d'atomiser les corps juste pour être dans une relation fétichiste entre un objet de désir et un organe qui est excité. C'est tout ce qu'on demande à la pornographie. Et on ne peut pas reprocher à la pornographie de faire ce qu'on lui demande de faire. Ce n'est pas de la littérature. Non, vous avez des gros seins, un trou ou une lesbienne, selon les goûts qui sont les vôtres, qui rencontre une grosse bite qui va rentrer dans le trou ou entre les gros seins, etc., qui va être inondée de sperme ou une bouche qui va rencontrer un clitoris. Voilà. C'est cette atomisation-là que l'on retrouve dans le discours, mais que l'on retrouve bien entendu dans l'image pornographique à travers tout le travail autour des gros plans, quasi gynécologiques, que l'on retrouve. Et les pornophiles, quand ils commentent les films porno, trouvent toujours désolant quand on a des plans un peu larges où l'on voit les deux corps qui s'enlacent parce qu'ils n'en ont absolument rien à faire. C'est pas ce qu'on vient chercher. Contrairement au cinéma grand public et aux détours empruntés par le softcore, le hardcore ne veut pas jouer à cache-cache avec les corps, qu'ils soient féminins ou masculins. Le hardcore cherche à savoir, de manière obsessionnelle, à travers l'enregistrement voyeuriste de l'orgasme involontairement confessé, la chose elle-même. L'ironie réside alors dans le fait que si l'on peut, de manière certes limitée et réductrice, représenter le plaisir physique masculin en montrant son érection et son éjaculation, cette visibilité maximale s'avère plus difficile à saisir lorsqu'il s'agit de montrer en parallèle la confession du plaisir sexuel féminin. Anatomiquement, l'orgasme féminin a lieu dans un endroit qui n'est pas facilement visible. Le film porno naturaliste manque nécessairement d'expressivité parce qu'il échoue littéralement à voir le lieu secret du plaisir féminin. Il semble que le fait qu'une femme puisse simuler un orgasme et que cela soit impossible aux hommes soit au fondement de la frénésie du visible, qui dirige le hardcore dans sa tentative effrénée d'obtenir ce dont on ne peut jamais être sûr, la confession involontaire du plaisir. Le fantasme masculin qui anime le cinéma hardcore peut donc être décrit comme la tentative, vouée à l'échec, de capturer visuellement cette frénésie du visible dans un corps féminin dont l'excitation et l'orgasme ne peuvent pas être mesurés de manière objective. Il n'est ainsi pas surprenant que, parmi les premiers fantasmes hardcore, tant se joue autour de situations dans lesquelles le plaisir sexuel de la femme est provoqué involontairement, souvent contre son gré, dans des scénarios de viol ou d'enlèvement. Ici, les éventuelles manifestations de plaisir de la victime sont offertes par le hardcore comme preuve de sa sincérité. Sincérité dont, avec d'autres scénarios, on pourrait plus facilement douter. Linda Williams, La frénésie du visible, 1989. La consommation de porno chez l'adulte, en règle générale, sauf pathologie psychiatrique de type addiction, c'est juste un outil pour nourrir une excitation sexuelle, principalement chez les hommes. Chez les femmes, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. D'ailleurs, le porno, il est fait pour les hommes. C'est-à-dire avec des plans, des gros plans, tout est très découpé, il n'y a pas de globalisation. C'est fait pour les hommes parce que les hommes sont très visuels et ça correspond à leur canaux sensoriel d'excitation sexuelle. C'est une histoire de forme, là. Je pense qu'il y a des pornos de films qui pourra fonctionner chez les femmes, mais il faut savoir qu'en règle générale, là encore, c'est pas pour tout le monde, mais les femmes sont pas très visuelles dans leur canaux sensoriels d'excitation sexuelle. Elles sont beaucoup plus kinesthésiques et auditives. Et que leur porno, elle, va plus être le roman d'amour, plus ou moins soft ou plus ou moins cru. Mais avec une histoire d'amour, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un contexte, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau émotionnel. Le film porno, il n'y a rien d'émotionnel, on parle bien du film porno, pas du film érotique. Hein. Le film porno, il est là pour exciter, et ça marche très bien, mais ça marche surtout chez les hommes. Et c'est très bien fait, c'est-à-dire que c'est des gros plans, les choses sont vues, et ça marche très bien. Mais est-ce que pour un consommateur, ça peut être utile de comprendre comment il est excité et pourquoi ça l'excite ? Je suis pas sûre. L'important, c'est d'avoir conscience que c'est un outil d'excitation. Il faudrait que les femmes le comprennent aussi, parce que le nombre de femmes qui se sentent trahies parce qu'elles ont surpris leur mari en train de regarder un film porno. Là encore, il faut pouvoir comprendre que on a besoin d'alimenter, que la sexualité c'est pas naturel, que ça tombe pas du ciel, qu'une excitation sexuelle ça se nourrit, que ça se nourrit par la relation certes, mais ça peut aussi se nourrir par l'imaginaire, et que l'imaginaire il peut passer par des outils qui vont alimenter ça. Et chez les hommes, souvent, c'est des scènes de films porno. Et que ça doit rester à cet endroit-là et que c'est en aucun cas une trahison. Le problème que pose le porno, c'est d'abord qu'il tape dans l'angle mort de la raison. Il s'adresse directement au centre des fantasmes, sans passer par la parole ni par la réflexion. D'abord, on bande ou on mouille. Ensuite, on peut se demander pourquoi. Les réflexes d'autocensure sont bousculés. L'image porno ne nous laisse pas le choix. Voilà ce qui t'excite. Voilà ce qui te fait réagir. Elle nous fait savoir où il faut appuyer pour nous déclencher. C'est là sa force majeure, sa dimension quasi mystique. Et c'est là que se raidissent et hurlent beaucoup de militants anti-porno. Ils refusent qu'on leur parle directement de leurs désirs, qu'on leur impose de savoir des choses sur eux-mêmes qu'ils ont choisi de taire et d'ignorer. Virginie Despentes, King Kong Théorie. I know you think I'm a psychopath. Democrat lurking in the dark. This sucks, I'm the Kmart soda jerk. Served to trash, I kept the stash. Coca candy, straight from Japan. Hologram and she was never as near. Think you know what I need to get by. Something for your mind. Mind. Mind. Mind. Something for your mind. Mind. Alors surtout chez la femme, les fantasmes n'ont aucun rapport avec le passage à l'acte. Et que ce qui peut exciter, c'est que c'est régulièrement pas du tout politiquement correct. Et que, effectivement, dans l'imaginaire érotique des femmes a été très étudié au Canada. Et les deux principaux fantasmes qu'on retrouvait chez les femmes étaient, un, des fantasmes de soumission où elles étaient attachées avec une forêt de pénis autour, où elles étaient en fait objet de désir avec tout ce qu'il y a, mais comme elles étaient attachées, eh ben, elle ne pouvait que subir, et c'était très excitant. Et le deuxième fantasme qu'on retrouvait très fréquemment, c'est ce qu'ils avaient appelé fantasme homosexuel, je pense que ce n'était pas réellement homosexuel, mais qui concernait des images ou des récits de sexe oral avec une autre femme. Et j'explique souvent ça pour dire, mais en aucun cas, ces femmes n'auraient envie de passer à l'acte dans une relation homosexuelle. C'est absolument pas leur souci. De même qu'elles n'auraient pas envie de se retrouver attachées et violées par une armée d'hommes. C'est absolument pas le problème. C'est juste l'image, un peu transgressive, qui va les exciter. Et donc, faut juste avoir conscience que c'est pas parce qu'on est excité par ça qu'on est une salope ou une perverse. C'est juste ce qui excite. Parce que quand on a construit ces codes d'excitation sexuelle, ils prennent tous des chemins très détournés et ils sont en général pas politiquement corrects. C'est d'ailleurs parce qu'il y a un peu de transgressif que ça fonctionne sur l'excitation sexuelle. Mais en aucun cas, ça veut dire qu'il y a un passage à l'acte potentiel, du tout, surtout chez les femmes. Donc ça, c'est pas qu'on est détraqué. Si on est excité par quelque chose qui est politiquement incorrect, c'est pas qu'on est détraqué, C'est qu'on s'est construit comme ça, et c'est pas grave. Le seul problème, c'est quand les hommes vont imiter ce qu'ils voient, et qu'ils vont faire avec leur partenaire la même chose que ce qu'ils peuvent voir dans un film porno. En règle générale, c'est quand même pas le cas, sauf pathologie psychiatrique. Si, quand même, si ces images qu'il a dans la tête, c'est des images de violence, parce qu'il y a le côté génital, il y a le côté gros plan un peu chirurgical, mais il y a aussi la violence, le fantasme du viol. Oui, enfin le film porno de base, celui qui est le plus regardé, c'est souvent des scénettes de 5-10 minutes, voire moins, très stéréotypées, et où la violence n'est pas vraiment présente. Il faut aller la chercher, les films porno avec violence. Avec viol, c'est quand même pas ce qui est le... Enfin, en tout cas, dans mon expérience clinique, là encore, je parle juste avec cette limite-là, c'est pas ce qui est le plus regardé. Donc je suis bien consciente qu'un certain nombre de gens vont pouvoir s'exciter en regardant de la violence. Et dans ces cas-là, est-ce que tous ces gens, ce qu'ils voient, vont le mettre en scène, passer à l'acte ensuite ou pas? Je suis pas très convaincue. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je peux voir, moi, en consultation. Non, je vois pas tout le monde et on peut imaginer que tout le monde ne va pas consulter. Ou n'a pas conscience qu'il y a un problème. C'est peu dire que les soirées sont tranquilles dans un village de montagne valaisan. Et j'en consacre certaines, à vrai dire presque toutes, à regarder de la pornographie sur Internet. Une grande partie des thèmes me laisse indifférent, voire me répugne. Gangbang extrême, utérus fouillé à la machine, femmes enceintes qui se font mettre par des chevaux. Mon tropisme personnel le plus constant, c'est la masturbation féminine. Un soir, je tape donc « fille qui se branle » et parmi des dizaines de vidéos assez semblables, je tombe sur une brune qui se fait plaisir et qui a deux orgasmes. C'est le titre. Incroyablement excitante. Excitante au point que je l'ai rangée dans mon ordinateur parmi mes favoris. À la question qu'un tableau soulève pour moi, de savoir si un portrait est peint ou non d'après un modèle, correspond dans la pornographie celle de savoir si on a affaire à une vidéo d'amateur ou commerciale. Autrement dit, si la fille s'est filmée ou fait filmer pour le plaisir, ou si c'est une actrice porno plus ou moins professionnelle. Les sites, bien sûr, préfèrent dire que ce sont des étudiantes délurées qui font ça pour le fun. Mais la plupart du temps, on a des doutes. Un indice assez sûr, est-ce que la fille montre son visage ? Celle qui le cache, je suis plus enclin à croire que c'est une amatrice, excitée de se branler devant tout le monde, mais soucieuse d'éviter que ses collègues de bureau, ses copains, sa famille la reconnaissent sur le net. C'est tout de même un vrai risque social qu'on court en s'exhibant ainsi, et je me demande si tant de gens sont assez libérés pour le prendre d'un cœur léger. Peut-être que oui, en fait, que c'est un des grands changements de civilisation produits par Internet. Un autre indice, c'est la chatte. Toutes les professionnelles l'ont rasée, et certes, un bon nombre d'amatrices aussi, mais une chatte poilue, c'est un signe assez fort et même assez emphatique d'authenticité. Ce qui n'a évidemment pas échappé aux professionnels, parmi les options proposées, il y a Harry, et même Super Harry. C'est rare dans un texte sur la pornographie de trouver autant de simplicité, de franchise et même de distance amusée. C'est un passage du Royaume, le livre qu'Emmanuel Carrère a écrit sur les premiers chrétiens en 2014. Dans cette manière de dédramatiser un geste à la fois très intime et très banal, il y a quelque chose qui fait du bien. Peut-être cette façon d'associer la pornographie avec une certaine intelligence du regard, une capacité à se poser des questions, un sens critique, esthétique, qui témoigne d'un rapport apaisé, civilisé, avec les mystères de notre excitation sexuelle. La vidéo qui m'excite tant est en plan fixe. Je pourrais regarder cette vidéo 20 fois de suite. En fait, je l'ai regardée 20 fois de suite et je la regarderai encore. La fille me plaît énormément. C'est une quintessence de mon genre, sexuellement parlant. À la différence de toutes celles qu'on voit sur ce genre de site, qui ont des seins refaits, des chattes rasées plus ou moins soigneusement, des tatouages, des piercings dans le nombril et qui se foutent à poil en gardant leurs talons aiguilles ou, plus souvent, leurs baskets géantes, elles ressemblent à des femmes que je connais, à des femmes dont je pourrais être amoureux, avec qui je pourrais vivre. Elle a quelque chose de grave. J'ai même l'impression que si elle s'accorde cette pose, c'est parce qu'elle est soucieuse, un peu triste, qu'elle a besoin de recourir à cette source de réconfort qu'elle a entre les jambes et qui ne l'a jamais trahie. Cela aussi se voit, que son corps est pour elle un ami. Elle détonne sur ce site. Elle ne devrait pas y être. Pourtant, elle y est. Il y a là quelque chose d'énigmatique qui est pour beaucoup dans mon trouble et me fait désirer en savoir plus. En fait, désirer la connaître. Ce qu'il y a à la fois de complexe et de riche dans la pornographie, c'est que c'est à la fois un phénomène extrêmement personnel, à travers votre expérience personnelle, votre corps, vos fantasmes qui sont apparus au cours de votre histoire, etc. C'est personnel, c'est individuel, il n'y a que vous qui savez ce qui va véritablement vous exciter. Et en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement collectif et qui sont culturels. C'est-à-dire que dans nos sociétés, il y a des fantasmes qui sont autorisés, même des choses qui sont choquantes et que l'on ne veut pas reconnaître, mais qui restent encore du champ du représentable. Même en les décrivant comme étant scandaleuses, les refusées, etc., elles existent, elles sont nommées, c'est-à-dire qu'elles sont envisageables dans notre culture. Et la pornographie... Un exemple de ça. Je ne sais pas, ça peut être un rapport à des corps amputés, par exemple. Ça peut être un rapport à des corps de mineurs, qui sont extrêmement mis en scène, d'ailleurs, dans la pornographie. Les teens, les babes, etc. Il y a des modèles qui ont 18 ans, mais qui ressemblent à des gamines qui en ont 14. Ça peut être la mise en scène de la violence, par exemple, ou du viol que l'on retrouve, en prenant soin, à la fin de la séquence vidéo, de montrer les personnages qui disent « Ah là là, c'était vraiment super, qu'est-ce qu'on s'est amusé pour montrer tout ça ?» Mais en tout cas, il y a dans notre espace culturel des choses qui sont représentées, et des choses qui ne sont pas représentées dans nos cultures de la sexualité, dans lesquelles on ne peut pas se loger. Et ce qui fait que, finalement, la pornographie, c'est un espace à la fois de très grande liberté et en même temps de très grande déculpabilité. Parce qu'il y a à la fois des formes où on peut personnellement exprimer ses désirs et ses fantasmes, et il y a également l'idée que il y a un réceptacle commun à ça, et que donc on n'a pas de culpabilité personnelle toujours à avoir. Il y a une niche qui existe, et qui donc vous fait exister votre fantasme. Sinon, il reste indicible, et il reste impalpable. Si je lui donne forme, si je lui donne un mot, déjà pour pouvoir le circonscrire, et derrière une image, mais je peux lui projeter ce fantasme. Parce qu'il est ce qu'il y a de plus personnel, il y a des formes à la fois du rejet, de la honte, du critiquable, de l'illégal, mais quand même représenté collectivement, qui conduit à des formes de déculpabilisation. BBW, pregnant, flexible, transgenre, female, tranny, hermaphrodite, voyeur, BDSM, anal, blowjob, double pénétration, masturbation, cum, pissing, squirt, femme fontaine, manga, amateur, porn star, webcam. Il y a plein de types de porno, de films porno, de types de pornographie. Après, chaque personne va, suivant la façon dont il a construit ses codes d'attraction sexuelle, aller chercher ce qui fonctionne chez lui. Donc, ça va aller du hyper transgressif à quelque chose de hyper banal. Il y a beaucoup d'hommes qui me disent qu'il suffit qu'ils regardent un acte sexuel banal et standard pour que ça suffit pour les exciter. Et d'autres qui vont avoir besoin de scénarios extrêmement compliqués, avec des choses très précises qui se voient. Et... Bon, alors, ok, on peut étudier ça. Je pense que le plus important, c'est plutôt de savoir un peu ce qui fonctionne chez soi. Et autant chez les hommes, tout est parfaitement montré. Moi, j'aurais envie de dire que s'il y a un message, ça serait bien que les femmes aient une idée de ce qui les excite et qu'elles aillent nourrir ce qui est susceptible de les exciter. Et là, l'histoire, elle est beaucoup plus compliquée parce que c'est très compliqué pour une femme d'accepter d'aller chercher ce qui les excite et de se donner les moyens de nourrir ça. Parce que les femmes ne s'autorisent pas et qu'on fonctionne depuis très longtemps, en tout cas en matière de sexualité, sous l'espèce de mythe madone et putain, et que soit on est une madone et on pense pas comme ça, soit on est une putain et c'est très très compliqué à assumer. Et c'est bien pour ça que les femmes ont besoin d'un contexte émotionnel très sécurisant et affectif pour oser se montrer, oser exhiber leur excitation sexuelle sans avoir peur d'être jugées. Sometimes I sit in the smoking section, hoping one rogue spark will land in my direction. And when you stomp me out, I scream and I'll shout. Let it happen, let it happen, let it happen. And sometimes I feel like an inland ocean, too big to be a lake, too small to be an attraction. And when you wander in and start to flail a bit, I let it happen, let it happen, let it happen. Le porno à bras-le-corps. À quoi servent les porn studies? Avec Florian Bourros et les élèves de l'Université Lille 3, Alain Giamy, Marianne Pavot, François Perrea et Marie Veluire. Lecture de texte Rebecca Chaillon, une émission de Delphine Saltel et Vincent Deck. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter et ne plus avoir honte, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Bonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, deuxième épisode,